pas de virus, pas de bactéries, pas de toxines, on peut y aller. Label Rock. Deux heures de son pas comme les autres. Pop rock, électro, reggae, world. Toute l'actualité des labels indés, tout de suite dans Label Rock. Bonjour et bienvenue dans l'avant-dernière émission de Label Rock pour cette année 2010, avec au programme ce soir et la semaine prochaine la traditionnelle rétrospective de l'année, sorte de best-of de Label Rock. Réparti donc en deux émissions comme vous en avez l'habitude si vous êtes fidèle à ce programme. Une sélection des morceaux donc qui m'ont et vous ont le plus plu tout au long de cette année 2010. Et on va commencer cette émission avec un retour en janvier dernier où j'ai eu le plaisir de vous présenter un nouveau groupe du nom de Standard Fair, tout premier single qui était sorti en janvier pour ce groupe anglais qui vient de Sheffield, avec de la pop anglaise comme on aime, sans complexe, avec ses défauts et une certaine fraîcheur tout simplement admirable. Allez, on y va donc pour le best-of, première partie de Label Rock, c'est Standard Fair, ça s'appelle 15. This isn't right. I don't want to have to stay. Premier morceau de cette rétrospective, première partie de l'émission Label Rock, c'était un groupe anglais qui avait sorti donc ce premier single en janvier dernier. Le groupe s'appelle Standard Fair. On va rester du côté de l'Angleterre, du côté de Londres avec un trio londonien. C'était aussi en janvier dernier sur le label Parlor Records. Il s'appelle le Tetsuo avec un titre à rallonge qui s'appelle Sometimes I'm Walking Around. I Feel Like I'm Going to Open Up and Crack. Voilà, c'était un deux titres sortis donc chez Parlor Records. courte, je vous le disais. C'était en janvier dernier. On s'écoute ça tout de suite. Et puis après, juste après, une petite douceur, on va dire, belge, sortie en janvier dernier, signée par The Ikey Underworld. Between them, sometimes I'm walking around. de la guitare et du bruit dans cette première partie du Best of 2010 de l'émission Label Rock, le Tetsuo pour commencer, un single qui était sorti en janvier dernier, et puis à l'instant une nouveauté belge sortie en janvier dernier avec un groupe qui m'avait beaucoup plu, qui fait du très bon bruit, ça s'appelle The Ikey Underworld, c'était leur premier album éponyme, un 4 belge qui avait eu l'occasion de jouer avec The Bronc, Das Pop, Dinosaur Jr. et évidemment les incontournables Deus. Premier album donc qui était sorti en janvier 2010 qui s'appelle The Ikey Underworld, c'était disponible chez Naïve. On va calmer un petit peu les choses, on va laisser tomber l'Angleterre, on part ce coup-ci au Portugal avec un magnifique album sorti en février dernier signé par The Legendary Tigerman, le projet de Paulo Furtado, le leader de l'excellent groupe Reagan. C'était son 4e album, l'album s'appelle Femina, pas mal de reprises donc avec beaucoup de voix féminines, celle-ci est peut-être la plus connue. On peut pas dire franchement que c'est une émission comme les autres. It's 3000 words. 3000 words. You'd never ever be able to Féminine et groove à l'honneur de ce best-of première partie de Label Rock avec The Legendary Tigerman. L'album s'appelle Femina, il est sorti donc au début de l'année, ça m'avait vachement plu. Et puis une autre nouveauté qui était sortie en février sur le label Bronzerat qu'on vient de s'écouter à l'instant, c'était l'album de Solex versus Christina Martinez versus John Spencer. Très belle association de ces trois talents avec un album qui s'appelait Amsterdam Showdown, King Street Throwdown. C'était sorti en février, fin février, début mars en fait, hein, sur le label Bronzerat, avec une année chargée pour John Spencer qui était en concert avec son groupe Heavy Trash. C'était, souvenez-vous, le 22 mars à la coopérative de mai, et il était revenu avec son Blues Explosion il y a quelques semaines de ça du côté de Lyon. On continue ce best-of encore plus cool, c'était le retour cette année, souvenez-vous, des Massive Attack. For the ones that feel Les Massive Attack à l'honneur dans Label Rock avec leur 9e album Heligoland, sorti le 8 février dernier. Un album haut en couleur avec des featuring de légendes dessus, hein, dont le chanteur des TV on the Radio par exemple, Martina, Topley Bird qu'on a pu admirer du côté du Phil à Saint-Etienne il n'y a pas si longtemps que ça. Mais on trouve aussi sur cet album Damon Albarn, décidément incontournable en 2010, le reggae man Horace Andy, ainsi que la magnifique voix de Hope Sandoval des Mazistar. Massive Attack, donc Paradise Circus, je vous rappelle, et ben c'était dans le best-of donc de Label Rock 2010 avec cet album Heligoland. Et puis à l'instant, et ben du très bon folk signé par un américain du nom de Edward Sharp and the Magnetic Zeros, Desert Song, c'est ce qu'on vient de s'écouter. L'album lui s'appelait Up From Below, c'était vraiment un des albums révélation de 2009, c'était entre mi-chemin, hein, charnière entre 2009 et 2010. Allez, un petit peu d'électro dans ce best-of, évidemment, avec un extrait du dernier album des Jaga Jazzist. C'était sorti chez Ninja Tune, dernier album pour ces 9 Norvégiens. Un extrait tout de suite, ça s'appelle One Armed Bandit. cause there's no turning back. So come in your will to sit on your hands. Did you only want me to laugh? To sit for a while, a talk and a drink. Écoutez la première partie du Best of de Label Rock, Best of 2010, tous les coups de cœur des auditeurs mais aussi mes coups de cœur personnels qui ont rythmé un petit peu cette émission tout au long de l'année. Jaga Jazzist, donc pour commencer, One Arm Bandit tiré de leur dernier album. Ils viennent de Norvège, ils sont neufs et franchement cet album était impeccable. Et puis voix féminine aussi hein, évidemment est toujours à l'honneur dans Label Rock avec Sortie mi-mars, le dernier album d'une chanteuse australienne qui a explosé cette année qui s'appelle Sarah Blasco. Elle a 33 ans et on l'a découvert nous un petit peu tardivement en France, bien qu'elle soit super connue du côté de l'Australie. Nous on l'a connue avec son troisième album sorti donc en Europe chez Dramatico Records. L'album s'appelle As Day Follows Night. On va revenir maintenant à la pop avec de très bonnes choses, un trio en fait, Curran and the Wolf Notes du côté de l'Angleterre, tout premier single, on va commencer avec ça. Ils viennent de Londres et ils sont signés sur le label Chess Club Records. Et puis après on enchaînera avec des très belles nouveautés sorties en 2010 du côté de l'indie plus traditionnel à guitare avec les Américains de Soft Pack et Surfer Blood. C'est parti, vous écoutez Label Rock, c'est le Best of 2010. Shall never be whole again. And take me out on the town before the lights go out and the last bar gets shut down. What a bitch to say you could have seen us in love. I was robbed of my youth before I knew.

Label Rock avec Sébastien Agas. Série de pop indie comme ça pour se faire plaisir et pour se souvenir de ce qui est sorti en 2010. Parmi les choses qui m'ont beaucoup plu, Curran and the Wolf Notes avec ce single What a Beach, tout premier single hein, pour ce groupe très cosmopolite hein, qui vit à Londres. Ils sont 4, Curran qui est suisse, Ben le bassiste qui lui est français, Chris le batteur qui est irlandais et Natalia qui est aussi dans le groupe qui elle est d'origine péruvienne. Au milieu, et ben, un album qui a fait beaucoup de bruit, c'était en février. Ils étaient annoncés un petit peu comme sorte de Strokes hein, pour les années 2010. Ils s'appellent The Soft Pack, ils viennent d'Amérique et ils étaient en concert à Paris le 4 mars dernier. C'était au Nouveau Casino et ils ont sorti surtout cet album, un album au rock'n'roll, on va dire racé, avec des singles puissants et des mélodies saisissantes. Souvenez-vous donc de ce nom, il s'appelle The Soft Pack. Et puis à l'instant, un autre truc qui m'a beaucoup plu cette année, 5 américains sous le nom de Surfer Blood, ils viennent de Floride. Madrid et ils ont sorti leur premier album qui s'appelle Astro Coast. On reste dans les coups de cœur de l'année 2010, on part du côté de Vancouver au Canada avec un album du nom de XXXX, le groupe lui s'appelle You Say Party, We Say Die. Yeah. September harmful logic. It was September, this is the tap music. It was September harmful logic. It was September, this is the tap. C'est parti, We Say Die avec le titre Glory, peut-être un des meilleurs titres de leur nouvel album qui était sorti en février. XXXX, c'est donc le nom de cet album, avec les 5 Canadiens qui ont cartonné tout au long de l'année. Autre très belle découverte, le nouvel album des These New Puritans, un groupe de Southend-on-Sea. C'est à l'est de l'Angleterre. Ils ont sorti un superbe album assez bizarre mais qui m'a bien plu. C'était chez Domino, c'était en mars dernier. L'album s'appelait Eden. Ils étaient d'ailleurs en tournée en France, hein. C'était au mois de février où ils assuraient les premières parties du groupe The XX. Label rock toujours aussi éclectique en 2010, on vous rassure, ça continuera comme ça en 2011. Tout ça pour vous dire qu'on a flashé sur pas mal de groupes pop, hein, indie, guitare évidemment, mais aussi de l'électro et évidemment aussi pas mal de percus, notamment du côté du reggae, avec l'album d'un Jamaïcain maître en percussion du nom de Larry McDonald, qui célébrait 40 ans de carrière cette année en sortant son tout premier album solo. L'album s'appelait Drumkestra, véritable initiation au voyage et au dance floor, à la danse mystique que Larry McDonald aime appeler, lui, une expérience percussive. Un album sorti sur le label MCPR Music, on s'en écoute un extrait, ça s'appelle Drum Says. Somos los guardianes de un sonido ancestral. Nahnu al-qudama nuhafidu ala sawt al-musiqi. Drum Say. Life is a celebration. We are the guardians of an ancient song. We are the guardians of the ancient song. Yes, yes. Talking drums, speak out loud. Rhythm of the universe, the power of sound. Power of sound, great power of sound. Translated into action, bodies in motion. To the beat in a dance that is life itself. We are the guardians of an ancient song. We are the guardians of an ancient song. Talking drums, speak for me above the sounds of discord, that wordless joy. Family and friends seen once again after years abroad. From the environment that is home. Home sweet ya. Home sweet ya of my deepest root. I and I roll. Talking drums on the upbeat speak. Enlighten the heavy heart of those who weep. Unto whom life is the blues, too sad to dance. Fill the ear around the world with your sounds of joy. Sounds of joy. Oh, joy of life. Talking drums, speak my heart. Once again,

L'année 2010, riche en événements musicaux et riche aussi en sorties de qualité, comme cet album de Patrice. L'album s'appelle One, sixième album sorti cet été et qui a rythmé un petit peu l'été, on va dire, et la rentrée du côté de Label Rock avec la diffusion de beaucoup d'extraits, suivi par l'apothéose de le voir en concert du côté du Zénith à Saint-Étienne. Souvenez-vous, c'était en novembre dernier. Et puis, à l'instant, une nouveauté sortie. C'était en avril, il me semble, chez Ninja Tune, par Simon Green, alias Bonobo, l'artiste Ninja Tune le plus écouté au monde. Nouvel album enregistré du côté de Barcelone et du côté de San Francisco, et pour terminer, du côté de Londres. Voilà, donc trois pays pour ce superbe album qui était sorti, donc, je vous le disais, en avril dernier. Bonobo, Animal, c'est ce qu'on s'est écouté. De très belles nouveautés aussi du côté de la France, du côté de Marseille, tiens, pour être précis, avec les Kids Francescoli, c'est ce qu'on s'écoute tout de suite. I have no right time. Très belle sortie française d'électropop signée Kid Francescoli, One Moment. L'album s'appelle It's Happening Again. Et franchement, si vous ne connaissez pas, vous allez tout simplement adorer. C'est un album hautement recommandé. Et puis, voix féminine toujours à l'honneur dans ce programme avec le très bel album de Lisa Mitchell. On vient de s'écouter un remix que je ne vous avais pas diffusé d'ailleurs dans l'émission, mais que j'ai l'habitude de jouer en DJ set et que j'aime beaucoup. Neapolitan Dream, ça s'appelle, un remix signé Neil. Cette jeune chanteuse australienne, puisqu'elle a 21 ans et qu'elle est née du côté de. Elle est née en Angleterre, en fait, je suis en train de lire, mais elle a toujours vécu en Australie. Voilà, on se mélange un petit peu dans ces pays anglo-saxons. En tout cas, l'album est vachement bien et l'album s'appelle Wonder. Vraiment une belle révélation cet été 2010, un album produit par Ed Harcourt. Allez, on reste du côté de la France et on revient du côté de la France avec peut-être notre coup de cœur au niveau des labels. De 2010, c'est le label anglais Loaf Recordings avec une compilation qui était sortie en janvier dernier pour fêter leurs 5 ans d'existence. L'album, la compilation s'appelle Domestic Pop, 14 titres en tout, qui représentent bien leur sorte de vision de leur pop musique, c'est-à-dire une pop sophistiquée, bricolée, pleine d'humour et toujours de qualité. La démonstration maintenant en deux morceaux, un signé Gablé, et c'est un groupe français de folk qui cartonne en Angleterre, et puis un autre groupe français bien barré, on va dire, avec deux Parisiens, Guillaume et Maya, qui s'appelle le Club des Chats. C'est parti. Pop foutrac du label Loaf Recordings et d'un duo parisien qui s'appelle le Club des Chats. Je vous rappelle, c'est une compilation hommage pour fêter les 5 ans d'existence du label Loaf Recordings. La compilation s'appelle Domestic Pop et si vous ne l'avez pas encore, eh ben allez l'acheter. Les yeux fermés, il n'y a aucun souci. On va rester dans les voix féminines avec une jeune française qui était venue d'ailleurs du côté des Mardis du Grand Marais dans le cadre du festival Les Femmes S'en Mêlent. Elle s'appelle Mélanie Valera. Vous la connaissez peut-être sous le nom de Tender Forever. Elle a sorti son 3e album cette année, un album qui s'appelle No Snare, disponible chez Vicious Circle. On s'en écoute un extrait, ça s'appelle Got to Let Go. There's a song is not for you, and it is meant to be just a piece of something nice that you won't get to see. Oh, my heart gets sore just to think of more. This heart is not for you, and it is meant to deal with the whole part of my life that you won't get to feel. Oh, my heart got brave now that it can wait. Something more, and I think it's time you let show. You don't love me anymore. Not gonna cry, not gonna cry. What's left of your heart was dead before. A song that you could ever sing. If you try, I think you know how it would make you feel. Oh, my pride must take everything you fake. Your life is not the life that you wanted to leave. The day you really try, you'll know how good I did feel. Oh, your heart will stand, but you won't hold my hand. Shake up. La belle voix féminine de Mélanie alias Tender Forever. L'album s'appelle No Snare. On l'a écouté en avril dernier. Il est toujours aussi bien. Et puis du côté de l'Angleterre, un trio londonien qui nous a beaucoup excité cette année qui s'appelle Nedry. L'album s'appelle Condors. Tout premier mini-album donc fantastique hein, franchement. Sur le label Monotreme Records, sorti et disponible depuis le 22 février dernier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a eu pas mal d'invités dans l'émission Label Rock, notamment Dominica, tiens, par exemple, qui était venue nous rendre visite. On lui avait donné une carte blanche où il avait fait sa programmation musicale avec une longue interview. Je vous rappelle que tout est disponible évidemment sur le blog de l'émission. Toutes les émissions téléchargeables, tous les track listings sont dessus. Aussi, très belle rencontre, re-rencontre, on va dire, pour moi en tout cas, avec l'artiste Agoria, pilier électronique hein, de la scène française, qui, pareil, hein, on lui avait donné carte blanche. Il avait choisi pas mal de morceaux dans l'émission Label Rock à l'occasion de la venue de son label Infine. C'était dans le, du côté du Phil à Saint-Étienne. Et il nous avait fait notamment découvrir une artiste américaine qui s'appelle Kid. Et bah, elle est tout de suite à l'honneur dans Label Rock. Premièrement, avec deux frères lyonnais du nom de Spitzer, où elle fait un featuring dessus. Ça s'appelle Too Hard to Breathe. Et puis ensuite, avec un single que bah, Sébastien Agoria nous avait fait découvrir. Le single s'appelait Lonely. Kid est donc dans Label Rock tout de suite. Grosse révélation de l'année 2010. We'll be right back. une des révélations féminines de l'année 2010, l'américaine Kiday, qu'on a découvert grâce à Agoria cette année. Agoria qui était en guest DJ dans l'émission Label Rock, souvenez-vous, après être venu du côté de Saint-Étienne au fil. On va laisser tomber donc Kiday, on va repartir du côté des guitares avec un monsieur qui était très actif en 2010, il s'appelle John Spencer. Plusieurs albums de sortie, pas mal de collaborations, dont un nouvel album avec les Heavy Trash. L'album s'appelait Midnight Soul Serenade. Il est disponible chez Bronzerat. Il était sorti en avril dernier. Un extrait tout de suite, ça s'appelle Gee, I Really Love You. Vous écoutez Label Rock, montez le son. Label Rock, toute l'actualité des labels indés, pop, rock, électro, reggae, world. Bye. du rock et du bon rock dans la belle rock comme d'habitude avec Heavy Trash. Je vous rappelle, l'album donc s'appelle Midnight Soul Serenade et puis à l'instant, toujours dans le rock and roll, direction Austin dans le Texas avec le deuxième album des Strange Boys sur le label Rough Trade. L'album est sorti cet été. Il s'appelle toujours d'ailleurs Be Brave, un véritable hommage au rock and roll des années 50 et 60. Franchement, c'était vraiment une des plus belles surprises de ce premier semestre 2010. Retour maintenant dans cette première partie Best of Label Rock 2010 à l'électro avec Jason Chung, un producteur californien. J'ai particulièrement aimé son premier album solo hein, sur le label Alpha Pop. L'album s'appelle Drift et notamment ce titre que je vous rejoue tiens dans Label Rock, ça s'appelle Fog. De rien. Sur l'année 2010 dans ce premier best-of, première partie donc de Label Rock, après l'excellent titre Fog tiré du premier album solo du Californien No Such Thing. Autre très belle découverte de l'année 2010, le premier album solo du chanteur du groupe La Phase, il s'appelle Damny. L'album est disponible depuis pas mal de temps sur le label Couvre-feu, distribué en France par Because Music. Et cet album est tout simplement envoûtant, avec une couleur rock sensuelle et sombre. 10 titres dessus, dont celui que je viens de vous jouer à l'instant, qui s'appelait J-4. Un album très intense, très sexy à écouter et à réécouter tranquillement en cette période de fin d'année. C'est pas toujours ce qui est le plus joyeux, mais franchement, c'est vachement bien. Que dire de plus en 2010? Si, évidemment, 28e album studio pour le groupe The Fall, un de mes groupes cultes, le groupe de Marky Smith, qui était donc revenu. Chaque année, ils sortent un album, mais celui-ci était vachement bien. L'album s'appelle Your Future or Clutter, disponible chez Domino Recordings, nouveau label, mais toujours le même line-up, et ceci depuis 2 albums maintenant, ce qui est un accident ou une véritable surprise pour le groupe The Fall. Chouette 28e album, donc. Un extrait, ça s'appelle YFOC Sleepy Floor. On y va, The Fall dans Label Rock. toujours autant de plaisir pour moi de savoir qu'il y a un nouvel album de The Fall 2011. Ça sera donc le 29e album. En attendant 2010, c'était le 28e évidemment. L'album s'appelle Your Future or Clutter. Si vous n'êtes pas encore familier avec le groupe de Marky Smith de Fall, et ben c'est un bon album hein, pour commencer une introduction, on va dire. Voilà, c'était disponible donc chez Domino Recordings. C'en est terminé pour la première partie du Best of Label Rock 2010. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie, histoire de de conclure cette année 2010 de la plus belle des manières possibles, c'est-à-dire en musique. On va se quitter ce soir avec un extrait de l'album du guitariste et chanteur du groupe islandais Sigur Rós. Il s'appelle Jonesy. Il a sorti son premier album solo cette année. L'album s'appelle Go. Et Go, d'où c'est justement l'extrait que je vous joue. C'était le premier single. Je vous quitte donc. Je vous souhaite d'agréables fêtes de fin d'année et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour encore 2 heures de musique pas comme les autres. Ciao, soyez sages, mais pas trop. Look. Goodbye. Label Rock, 2 heures de son pas comme les autres.